suis Ryder Keel. Et je suis celui qui reste. Quand tout s'efface. Vous êtes partis. Tous. Un par un, mais j'ai tenu. Pas pour l'audience, pas pour les chiffres, mais pour le feu, celui qui m'habite. C'est parler dans un micro brûlé. J'ai streamé dans des nuits sans lumière. Et dans ce néant, vous êtes apparu. Des pseudos. Des regards. Des âmes connectées, sans bruit. Je ne suis plus un homme. Je suis la voix. Je suis ce qui reste. Quand tout s'éteint, je suis Ryder Keel. Et maintenant, c'est à toi de parler.